The supreme ruler's power will stop the evil for everything that is good. Sanzaiba! Elle est pas Dieu. En anglais, elle dit chose. Elle est pas Dieu. En anglais, elle dit chose. Ouais, voici une parodie dégagée sur un petit jeu bizarre qui est sorti en 99 en se prenant des poids. Pourtant, c'était un jeu qui tournait sur PS1 et qui était bizarre par rapport à Tekken 3. C'était un jeu où t'avais un seul bouton d'attaque, un seul bouton pour bloquer et puis pour bouger la croix. Un jeu avec une intro qui aurait valu le gros lot. Un jeu purement castigné et l'envie pour l'attaque. Elle est pas Dieu. En anglais, elle dit chose. Eh oui, t'avais un million manneux qui se met dans Cyber, t'avais un magicien avec le même nom que Yankovic, t'avais Eren qui était hyper giga sexy, une fille en uniforme et un satanique pourri, une Anna en jean basket et un sorcier en costard, un colosse en armure, Cannibalish Greg Man, t'avais une fillette qui avait plus de 10 000 ans, et le boss c'était une sorcière avec des ailes. Come on, boys and girls, sing along, ok? Elle est pas Dieu. En anglais, elle dit chose. Don't call me Iha. Sorry, but your name is too long. I think it's cute. Tsubio, Sayaka, Shaharu, Imika, Wajajol, Evan Paul, Tempoi, Abruzet, Amurboy, Isabel, Tantaibols, Red Babel, Gélatine, Amobi, Dabobi, Patan. C'est tout un jeu que j'ai déballé, c'est plus fort qu'ils ont fait. Si vous ne l'avez pas gravé, je vous le conseille de l'acheter. Un jeu avec une intro qui aurait valu le gros lot. Un jeu pour mon boîte catigué, il en me fout le tas. Elle est pas Dieu. En anglais, elle dit chose. Elle est pas Dieu. En anglais, elle dit chose. Elle est pas Dieu. En anglais, elle dit chose.